Toute l'année, je rencontre des gens qui en ont assez de se pencher pour ouvrir ou fermer leur volet battant. Saviez-vous que Bubendorf, la référence du volet roulant, vous propose aussi une motorisation solaire pour votre volet battant à 599 € pose comprise. Prix TTC posé conseillé des trois solutions solaires achetées, conditions intégrales de l'offre et installateur sur solar.bubendorf.com. Messieurs Partenot, Bellerie, Boutsock, Mademoiselle Morini-Bosque, merci. On va tout de suite accueillir notre camarade Julien Courbet, extrêmement élégant, tenue de ministre. Oui. Tout à fait, c'est pour le lancement de la nouvelle campagne marketing de RTL. Ah bon ? Pour recruter, vous n'êtes peut-être pas au courant, pour recruter de nouveaux auditeurs. Là, on m'a fait enregistrer un spot, enfin, tout le monde y participe. Hein. Il faut écouter RTL toute la journée, sinon... Il y a forcément des conséquences. Le désir sexuel peut s'amenuiser, oui, des troubles de l'érection survenir, on peut avoir l'impression que nos muscles nous trahissent. Ah tiens. Eh bien, nous avons beaucoup de nouveaux auditeurs déjà depuis quelques minutes. Ah, ça regrimpe. Hein, ah non, ça regrimpe immédiatement, ça vous avez bien compris. Merci. Mon cher Yves, et là je crois que nous avons passé la nappe de pétrole, nous attaquons le magma maintenant de la Terre. Je vous souhaite une bonne matinée. Moi aussi je vous souhaite une bonne journée, maintenant que vous avez retrouvé vos papiers. Allez, c'est parti, nous allons attaquer maintenant l'émission que vous nous avez lancée sur RTL. C'est parti, voici la première. Un maire n'est pas content. Je suis maire d'une commune du Val d'Oise. Depuis le 5 septembre, deux rues de notre village n'ont plus d'internet ni de téléphone fixe. La pédicure podologue, qui est ma fille, ne peut plus prendre de rendez-vous de patient. Nous avons Vincent, à qui on doit des sous. Je vous appelle du Pas-de-Calais, je suis plombier chauffagiste. J'ai travaillé en sous-traitance pour une entreprise qui me doit 9 100 € depuis un an. Pour moi, c'est une catastrophe. J'ai un trou dans ma trésorerie. Je ne peux plus me verser de salaire. Et puis, bien sûr, notre grande opération, la nouvelle mascotte de l'émission, le chien Napo, qui sera bientôt chien guide pour une personne non-voyante. Sur 25 000 €, nous en sommes à 11 118 €. Vous donnez 2 €, 3 €, 4 €, c'est fantastique. Sur la cagnotte Litchi, offrez un chien guide à un non-voyant avec RTL. Et tout à l'heure, écoutez bien, parce qu'on aura l'éducatrice de Napo, qui nous expliquera comment elle lui apprend chaque jour des trajets, des choses bien précises pour rendre la vie plus facile à la personne non-voyante. Nous allons maintenant vous présenter l'équipe qui est autour de moi. Il y a la Dream Team, il y a Blanche de Grandvilliers qui inaugure un nouveau brushing aujourd'hui. Bonjour Blanche. Bonjour Julien, bonjour à tous. Un pari perdu bêtement. Et nous avons également Nathalie Felloneau qui est là. Bonjour à tous. Avocate qui a ressorti un chemisier vintage. Hervé Pouchol. Bonjour. Eh bien c'est parti, on y va. Toute l'équipe est à votre disposition. Charlotte, JB, Céline. Et puis surtout, vous nous appelez au 3210 en direct. 50 euros la minute. Ou bien Facebook, la page, ça peut vous arriver. Ou encore RTL.fr. Si tu t'es fait arnaquer, pas la peine de paniquer. Faut appeler Julien Courbet. J'ai envie d'avoir Vincent sur l'antenne très rapidement. Vincent, bonjour. Oui, bonjour Julien. Vous nous appelez d'où, Vincent ? Alors, je vous appelle du Pas-de-Calais, d'une petite commune qui s'appelle Bois-Nagant. Donc, voilà. Et Vincent, déjà, combien vous doit-on tout de suite ? Alors, on me doit la somme de 9 100 €. Vous imaginez un peu, en termes de trésorerie, c'est la cata. Expliquez-nous comment vous en êtes arrivé sur RTL à cette situation. Alors, je suis arrivé à cette situation tout simplement parce que ça n'avance pas, en fait, depuis un an. C'est statu quo. J'ai cherché en vain toutes les solutions. Il n'y a pas de solution. Et, vous n'avez toujours pas exposé le problème, Vincent ? Alors le problème, c'est que depuis un an, donc c'est une intervention que j'ai fait en sous-traitance pour un artisan. J'ai installé une pompe à chaleur, donc j'ai bien reçu un acompte de la somme de 3 900 €. Le solde de 9 100 € me doit, m'est toujours pas réglé, alors que la pompe à chaleur a bien été mise en service. Et cette situation vous met gravement en péril parce que vous ne pouvez plus vous verser de salaire et vous devez même travailler aujourd'hui 7 jours sur 7 pour essayer de combler ce trou dans la trésorerie, c'est la vérité ? Tout à fait, ouais. Quand vous appelez ce monsieur, que vous dit-il ? Il a des grosses difficultés ? Non, apparemment, il a pas de difficulté. Tout simplement, je l'appelle, il me dit qu'il me rappelle. J'ai pas de rappel. Vous avez pu avoir le client final. Est-ce que le client final a payé ? Alors, le client final a payé une partie. parce qu'il y a des clauses de réserve. Cela dit, moi, sur ma partie, sur la partie chauffage, la somme a bien été réglée. Bon, alors nous allons rappeler dans quelques instants. Maître Fellonneau, est-ce que les règles entre professionnels sont les mêmes que celles entre un particulier et un professionnel ? Bah oui, quand on commande un travail eh bien, et qui a été fourni, on doit le payer. Alors non, sur les délais, non, ça c'est pareil. Effectivement, c'est même pire pour entre professionnels, étant donné qu'on sait que c'est la lèpre de l'économie en France, c'est les délais de paiement que s'imposent les professionnels. Et donc, c'est maximum 45 jours fin de mois. Allez, c'est parti, nous appelons immédiatement à 9h35 en direct cette personne pour qu'elle nous donne sa version des faits, bien évidemment, puisque nous appelons toujours les deux parties, vous le savez, et nous allons tenter de voir comment nous pouvons arranger les choses avant que tout ceci se termine au tribunal de commerce. Mais nous pouvons, je suis sûr, nous parler. Nous sommes... Alors, nous n'avons qu'un seul numéro, Charlotte. Non, on en a un deuxième. Sans blague. Eh bien, vous voyez, je ne l'avais pas vu. Alors, faites le deuxième. Et c'est parti, nous appelons le deuxième numéro de l'artisan. Qui, lui, se trouve dans le 59. Il est peut-être en intervention. Hein. Allez, c'est parti. C'est le deuxième ? Oui, c'est le deuxième. D'accord. Bon, eh bien, écoutez, pour l'instant, ça ne répond pas. Vincent, vous ne quittez pas, vous restez en ligne ? Allez, entendu. Ça marche, on va attaquer un deuxième cas en parallèle, c'est celui de Philippe, comme ça on va lancer les deux. Non, c'est pas du tout Philippe, c'est la fille de Monsieur le Maire. Bonjour Monsieur le Maire. Bonjour Julien. Comment allez-vous ? Très bien. Bon, eh bien tant mieux, au revoir, à bientôt. Parce qu'on prend des gens qui ne vont pas bien sur l'antenne en général. Ah c'est pas pour moi alors. Alors c'est parti, expliquez-nous. Bah écoutez, on a subi un sinistre d'une ligne aérienne téléphonique le 5 septembre, dû à un engin agricole, des choses qui arrivent. Et depuis ce jour-là, toute une rue a été sinistrée et une vingtaine de personnes au départ ont été impactées, n'ayant plus de téléphone ni d'internet. Et ensuite, la ligne a été rétablie 8-10 jours après de façon provisoire. Il restait une dizaine de personnes sans internet, sans téléphone, sans rien. Et depuis toujours rien. Bon, est-ce que... Et aujourd'hui un particulier bricoleur, si vous voulez, un riverain bricoleur, a réussi à reconnecter quelques fils pour quelques personnes, ce qui fait qu'il reste toujours... Si. Il reste toujours 5-6 abonnés qui sont pas reconnectés, dont moi, je fais partie des victimes. Et tant mieux. Alors, on va les appeler dans quelques instants. On va, je suppose, réussir très rapidement à voir quelqu'un. Mais attention, une alerte sur le cas numéro 1, je suppose. Oui, exactement. Qui est en ligne. La société. Bonjour, monsieur. Oui, bonjour. Je me présente, je suis Julien Courbet. C'est la radio RTL. Nous sommes en direct. Monsieur, je suis avec Vincent Hollandais, le plombier chauffagiste, à qui, apparemment, c'est ce qu'il nous dit, c'est pour ça que je me suis dit, je vais l'appeler gentiment pour qu'on en discute, vous devriez 9100 euros. Allô ? Monsieur Caron ? Oui, je vous entends mal, là. Alors, monsieur Jackie Caron, je suis Julien Courbet, nous sommes sur RTL et je suis avec Vincent Hollandais. Vincent, pouvez-vous montrer à ce monsieur que ce n'est pas une blague ? Oui, non, c'est pas une blague. Alors, c'est bien monsieur Hollandais, à l'appareil. Alors, monsieur Caron, il a raccroché au nez, donc il a compris que ce n'était pas une blague, du coup, il a mis fin à la conversation. Eh bien, on voit un petit peu mieux le contexte. Merci et bravo, Charlotte, vous le rappelez, vous envoyez des textos, vous faites ce qu'il faut. Alors, je précise que, ceci étant dit, si on allait mettre Fellonneau devant un tribunal, ce n'est pas Jackie Caron qui viendrait, c'est Delphine Caron, car elle est la gérante. Oui, en fait, vous savez, on assigne la société. Après, c'est à la société d'indiquer quel est le représentant qui va se présenter à la barre. Et s'il a qualité pour se faire. Nous, c'est la société qui nous intéresse, peu importe la personne qui répond, mais c'est vrai que c'est le gérant au final qui devra prendre des décisions. Alors, nous essayons d'avoir Jackie Caron et Delphine Caron, ils sont à Bavinchauve. C'est pas vrai, c'est une blague. À Bavinchauve, si, c'est dans le 59, rue de la Gare. Merci de nous rappeler, il n'y a rien de grave, monsieur, mais raccrocher au nez ne fait pas avancer les choses. Est-ce que vous devez ou non ces sous ? Si c'est non, vous nous le dites. Apparemment, il y a quand même quelqu'un qui a beaucoup travaillé, à qui vous devez 9000 euros et qui maintenant galère, travaille 7 jours sur 7 pour essayer de combler le trou de trésorerie. On revient dans une seconde sur le cas de la ligne téléphonique avec vous, monsieur le maire. Votez pour un bon maire, votez pour Norbert, car c'est son prénom. Voilà, c'est gentil. Ah c'est gratuit surtout, et vous pourrez prochaines affiches. On vous reprend dans une seconde sur l'antenne d'RTL. Des problèmes d'impayés, de lignes coupées, de boulot, de voitures, de compteurs trafiqués. Vous êtes sur RTL, la radio qui règle tous vos problèmes. Vous pouvez nous appeler à n'importe quel moment ou faire le Facebook, la page, ça peut vous arriver. En vous souhaitant de bonnes vacances, si jamais c'est le cas. Les Les problèmes de prostate touchent plus d'un homme sur deux après 50 ans, ce qui peut engendrer une baisse de leur qualité de vie et celle de leurs proches. Parlons-en avec le docteur Mimoun. Mireille, vous avez 68 ans et votre mari souffre de troubles urinaires. Quelles en sont les conséquences au jour le jour ? Mais je dirais plutôt nuit après nuit parce qu'il est obligé de se lever et ça me gêne autant que lui puisque ça me réveille. Rassurez-vous Mireille, les troubles urinaires de votre mari ne sont pas une fatalité. Ils sont même plus fréquents avec l'âge. En plus de conseils hygiéno-diététiques simples, sachez qu'il existe des solutions. Prostamol est un complément alimentaire à base d'extraits naturels de sérénoir et pince qui contribue au maintien d'une fonction urinaire normale chez l'homme de plus de 45 ans. Prostamol, c'est une capsule par jour à prendre idéalement pendant 3 mois. Demandez conseil à votre pharmacien. Pour votre santé, évitez de grignoter. Bonne matinée en compagnie d'RTL. Avec le service après-vente Peugeot, entretenez l'émotion. Profitez sereinement de chaque trajet à bord de votre Peugeot sans vous soucier d'autre chose. C'est à cela que travaillent les experts Peugeot. Alors quand ils révisent votre véhicule, ils s'assurent avec de nombreux points de contrôle de préserver votre sécurité et votre plaisir de conduire. Chez Peugeot, la révision est à partir de 99 euros pour les véhicules de 4 ans et plus. Prenez rendez-vous sur Peugeot.fr. Voir conditions en ligne. Auchan, et la vie change. Et pendant les 125 jours Auchan, ce sont les selfies de Julie qui changent. Avec 200 euros de réduction sur la gamme de smartphones Galaxy S. 200 euros de réduction Julie. Et ben voilà, on a trouvé comment te faire sourire sur les photos. Vos hypermarchés Auchan et Auchan.fr proposent 200 euros de réduction sur les Samsung Galaxy S. Et votre mobile change. Auchan. Offre valable jusqu'à jeudi sur les Samsung Galaxy S7, S7 Edge, S8, S8 Plus, S9 et S9 Plus. Offre cumulable avec les offres de remboursement Samsung en cours, voire conditions en magasin et sur Auchan.fr, kit main libre recommandé. Eva Dumont, voulez-vous prendre pour époux Marc Royer ? Je sais pas. Comment être sûr de son choix ? Que choisir fait peau neuve pour mieux vous guider ? Téléviseur, inutile de trop dépenser pour avoir un modèle performant. Sur 40 télés testées, nos experts vous aiguillent. Que choisir nouvelle formule, c'est plus d'engagement, plus de terrain, plus de tests, plus d'alertes et toujours indépendant. Que choisir nouvelle formule ? En vente chez votre marchand de journaux. Vous écoutez le 9h30-11h sur RTL. Alors Hervé a pu continuer à rappeler apparemment notre ami artisan qui est en ligne avec nous. Il est en voiture. Monsieur l'artisan, je sais que vous êtes en voiture et nous... Et Maro raccroché au nez. Ben oui, évidemment, c'est toujours facile quand on dit ben, dites-le sur l'antenne, ils nous disent plein de choses en antenne. Et quand on leur dit dites-le sur l'antenne, ils veulent plus le dire. Donc, on rappelle le cas, Céline. C'était Vincent, il est plombier chauffagiste. Il a travaillé en sous-traitance pour une société qui lui doit aujourd'hui 9100 euros. Alors, une alerte de nouveau. Charlotte, qu'est-ce que c'est ? Nous avons la cliente, madame Minet-Laforce. Alors, pourquoi nous l'avons. Bonjour madame. Allô ? Oui, bonjour. Bonjour, je me présente, je suis Julien Courbet, c'est la radio RTL. Je suis en direct sur RTL. Je vous explique, Corinne, pourquoi je me permets de vous déranger. Car j'ai un plombier qui a travaillé chez vous, Vincent Hollander, un plombier chauffagiste qui n'a pas été payé par Jackie Caron, qui nous dit, parce qu'on vient de la voir en antenne, puisqu'il nous a raccroché au nez, oui, mais moi, je n'ai pas pu payer Monsieur Hollander, car je suis en procès avec Corinne, vous. Alors, est-ce que vous pouvez nous le confirmer ? Alors, il y a madame, la compagne de Vincent qui m'a appelée dernièrement parce qu'elle m'a signalé qu'effectivement, elle avait fait une démarche auprès de vous. Le souci que j'ai et que j'ai dit à madame, la compagne de Vincent, c'est qu'effectivement, il y a un procès qui est en cours avec Monsieur Caron. D'accord. Et donc je ne sais pas si j'ai le droit de parler de cette affaire. Oh bah il y a pas de secret, madame. C'est juste, dites-moi juste, vous lui reprochez de pas avoir fait le boulot, donc vous ne payez pas une certaine somme d'argent. Non, c'est pas tout à fait ça. Expliquez-nous ce que c'est, madame. Voilà. Mais est-ce que vous pouvez, parce que je sais que vous avez des avocates, etc. Oui. Est-ce que vous pouvez me certifier que si je parle, ça ne peut pas être à mon encontre après quand je vais être en procès. Alors, madame, Maître Félonneau vous parle, l'avocate. Madame, c'est une procédure au civil, pas au pénal. Oui, c'est au civil, pense. Voilà, donc il n'y a pas de secret de l'instruction, il n'y a pas une violation de l'instruction. Madame, pour que vous soyez rassurés, voilà ce qu'on va faire. Vous allez expliquer à Maître Félonneau hors antenne de quoi il s'agit. Maître Félonneau l'aura appris comme ça par hasard, d'accord ? Oui, si, voilà. Oui, si, Vraiment, il faut vraiment que vous me certifiez que je puisse pas perdre mon affaire après, parce qu'autrement, je vais vraiment être dans Madame, vous, l'affaire ne se juge pas sur le fait que vous l'ayez dit ou pas à quelqu'un. L'affaire se juge. Et si on vous a posé, je vous dis n'importe quoi, un chauffe-eau 24-32, alors que vous aviez payé un 24-33, eh bien, on doit vous poser un 24-33. Le fait que vous l'ayez dit à X ou Y ne change rien. Vous comprenez ? D'accord. Je pensais qu'il y avait un secret d'instruction. Non, des choses pas comme là-dessus, ça. Pas là-dessus. C'est au pénal, vous. C'est au pénal, ça. Alors, expliquez-le à Maître Fellonneau qui vous parle maintenant. Vincent, j'ouvre une petite parenthèse. Vraiment, je vous le dis parce que là, on va continuer, mais normalement, sachez qu'il y a une règle. Alors, elle plaît ou elle ne plaît pas dans cette émission, mais c'est que quand on parle aux gens en leur disant « Attention, je vais passer sur RTL », le cas s'annule immédiatement. Parce que c'est quelque chose qu'on ne peut pas, nous, tolérer, que les gens appellent en disant et en faisant une menace « Je vais passer sur RTL ». Donc je crois que votre épouse a prévenu cette dame en lui disant « Je vais passer sur RTL », etc. Il ne faut pas le faire, ça, Vincent, je vous assure. Et je le dis pour tous les autres, là, on va continuer. C'est pas dans cette intention. Hein. Non, mais il ne faut pas le dire. J'ai de bonnes relations avec Mme Minéla. Je sais bien, mais il vaut mieux éviter, parce que ça donne un côté « Je te fais pression », etc. Et c'est pas bien. Bon, ceci étant dit, est-ce que vous en savez plus du coup, vous, maintenant que Maître Fellonneau est en train de parler avec cette dame, sur ce que reproche, puisqu'on découvre donc qu'il y a un procès, on ne le savait pas, nous ici sur l'antenne, vous ne nous l'aviez pas dit, que reproche donc Madame Corinne à Jackie Caron ? En fait, globalement, au départ, il y a eu un premier devis, donc moi j'avais fait un devis à hauteur de 14 000 euros. Le devis, en fait, par rapport à Monsieur Caron, était trop élevé. Il m'avait certifié que ça ne passait pas et que par rapport aux assurances, il fallait baisser, en fait. Il fallait que je revoie un peu mon tarif à la baisse. Donc j'ai refait, en fait, mon devis, qui arrivait à hauteur de 13 000 euros. Sauf que lui, en fait, il a fait un devis beaucoup plus élevé que la somme que moi j'avais demandé pour la partie chauffage. Voilà. Donc ça a été ce devis, en fait, a été a été remis entre les mains de Madame Minéla Corse. Hein, et donc on a découvert effectivement que la somme ne correspondait pas à la somme que moi j'avais demandé. Bon, ok. Maître Fellonneau continue de discuter avec ce monsieur. Oui, Blanche. Oui, monsieur, juste une précision. Est-ce que Madame Corinne Minéla-Force savait que c'était vous qui alliez intervenir sur le chantier ? Est-ce qu'elle savait que c'était vous, puisqu'elle a eu le devis ? D'accord, donc quelque part, elle vous a accepté comme sous-traitant. Non, en fait, si vous voulez, le devis a été adressé à Monsieur Caron. D'accord. Bon, allez. D'accord, ne rentrons pas dans les détails, qui personne ne va rien comprendre. Allez. Essayons de savoir avec Maître Fellonneau ce qu'il en est. Si à procès, effectivement, il va arriver à un moment donné où, malheureusement, Vincent, je ne pourrai rien faire d'autre. Si ce monsieur me dit c'est procès ou rien, il ne pourra pas y avoir de négociation. Mais le problème, c'est qu'on le découvre aujourd'hui qu'il y a un procès. Et on l'aurait su avant, on aurait pu agir différemment. Vincent, on attend que Maître Fellonneau avance. On va se retrouver dans quelques instants avec le cas numéro 2, Céline. C'est Norbert, il est maire d'une commune et on va aider ses habitants qui sont privés d'Internet et de téléphone. Et sa fille ne peut plus soigner les pieds. Il paraît que dans la rue où il habite, elle ne peut plus prendre de rendez-vous. Donc des gens ont des ongles qui font 7-8 mètres de long. Il organise même des foires, monsieur le maire, pour montrer les habitants aux ongles qui n'ont pas été coupés. Vous êtes sur RTL, à tout de suite, bonne journée à tous. Feu vert sort ses griffes jusqu'au 27 octobre. 1 euro les plaquettes de frein Bosch et Valeo First. C'est imbattable. Offre soumise à la pause, voire conditions sur feuvert.fr. Dites donc, vous ! Moi, madame là-dessous ? Bah oui, vous ! Vous saviez qu'Akena fabrique aussi des pergolas ? Ah oui. Et pas n'importe lesquelles, des pergolas bioclimatiques. Pour profiter de votre terrasse, les pergolas Akena, c'est extra. Et elles sont sur mesure aussi ? Monsieur Akena, on fait ce qu'on veut ! Même avec les pergolas. Je me suis regardé, hein ? Ah oui ? Bah, qu'est-ce qu'il croit, celui-là ? Akena, la reine des vérandas. Qui habite ? Le bonheur vous va si bien. Et le bonheur, c'est de terminer la saison en beauté. Découvrez la nouvelle collection manteaux chez Kiabi. Les nouvelles tendances pour toute la famille et surtout à tout petit prix. Comme l'incontournable parc à femmes hyper chic à 25 euros au lieu de 50. 25 euros, c'est beau, non ? Le manteau par Kiabi, du 24 octobre au 6 novembre. Kiabi, le bonheur vous va si bien. Conditions, magasin et kiabi.com. C'est le moment.

Patrick Dreamer sur RTL. Il est 9h54 et nous allons donc revenir sur le cas de Vincent, plombier chauffagiste. Il vit une situation critique car il a travaillé pour une société qui lui doit 9 100 euros, d'après ce qu'il nous dit, depuis un an. Et il y a évidemment un trou dans sa trésorerie qui l'obligerait maintenant à ne plus se payer, à travailler 7 jours sur 7. Nous avons appelé Jackie Caron. Et Jackie Caron a parlé en antenne un peu avec Hervé, puis dès qu'on essaie de le basculer, il raccroche. Son épouse Delphine Caron est la gérante de la société, mais nous avons pu en savoir plus avec Corinne, qui est la cliente finale. Donc on rappelle que c'est Corinne qui demande à Jackie Caron de venir intervenir chez elle, et Jackie Caron sous-traite à notre ami Vincent. Qu'avez-vous appris ? Alors Corinne est effectivement dans tous ses états, parce qu'en réalité, sa pompe à chaleur n'est pas raccordée au système électrique encore aujourd'hui. Elle nous explique qu'avec la société principale, M. Caron, elle a signé ce marché, elle a payé un premier acompte et ensuite il lui a redemandé un acompte très important qu'elle a refusé de payer compte tenu de l'avancement des travaux qui, pour elle, n'était pas suffisant. À partir de ce moment-là, il y a eu un vrai obstacle puisque M. Caron a bloqué le chantier. Finalement, la chaudière a quand même été posée et il y a eu un procès-verbal de réception et il y a des réserves à lever. L'acompte a été le deuxième acompte très important a été perçu par M. Caron. Il lui reste en tout et pour tout sur l'intégralité du marché qu'il a signé 5 000 euros. Et les réserves qui devaient être levées dans les 15 jours parce que M. Caron devait revenir ne sont pas levées. Donc, d'après ce que je comprends, et je comprends le désarroi de Corinne et de Vincent, c'est que finalement, tout est paralysé pour 5 000 euros au détriment de Corinne qui n'a toujours pas sa chaudière et de Vincent qui a fait un travail qui n'est pas intégralement c'est réglé. C'est typiquement le genre de choses qui pourrait se régler autour d'une réunion où chacun pourrait discuter et ça se réglerait, il faudrait peut-être une petite part du chemin. Mais si M. Caron ne répond pas, donc nous avons Vincent qui est prêt à discuter, nous avons Corinne qui est prête à discuter. M. Jacques Caron, soyez sympa parce que nous on va avancer là-dessus, mais franchement, s'il y a un petit souci, expliquez-nous-le, comme ça on va beaucoup mieux avancer. Vous vouliez dire ? Oui, on rappelle, Julien, qu'il n'y a aucun problème avec cette chaudière. Oui. Hein, donc, évidemment, il devrait être payé. Allez, on reviendra bien sûr sur Monsieur le maire à 10h pile après les infos. On attaque avec lui. Mais là, tout de suite, j'ai Louise qui est en ligne avec moi. Bonjour Louise. Louise, il y a un petit peu de problème technique. On va l'avoir dans une seconde. D'accord, parce qu'Alain Zard me disait qu'on l'avait en ligne, mais visiblement, nous ne l'avions pas appelé, donc nous ne pouvions pas l'avoir. Nous allons nous retrouver donc dans quelques instants sur l'antenne d'RTL avec le cas de Monsieur le maire. Je vous le rappelle, il essaie de récupérer Internet et le téléphone dans la rue de son village. Et puis, il y aura également le cas de Philippe. Philippe est parti en vacances. Il a payé plus de 2000 euros pour 2 semaines de vacances au Portugal. Finalement, le logement ne correspondait pas à l'annonce. Allez, tout ceci se passe sur l'antenne d'RTL avec vous. Peut-être pouvez-vous intervenir à n'importe quel moment en faisant le 3210 ou en faisant le Facebook, la page, ça peut vous arriver. On reviendra aussi sur des cas qui ont bloqué et nous allons tenter de débloquer la situation. C'est ça, RTL. C'est entre 9h30 et 11h et c'est bien sûr du lundi au vendredi. EDF Entreprises propose des services d'assistance dépannage à ses clients professionnels, électricité, gaz et plomberie. Hubert Vienne, bonjour. Bonjour. Vous êtes boulanger à Sente, c'est près de Lille, où nous nous sommes aujourd'hui. Alors, pourquoi avez-vous souscrit à ce service, Hubert ? Bien justement, avec l'offre d'assistance dépannage électricité et gaz d'EDF Entreprises, en cas de pépin, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, j'ai la garantie d'avoir un diagnostic de la panne réalisé par téléphone et l'intervention d'un spécialiste, si nécessaire, dans les 3 heures. Et donc, je peux me consacrer pleinement à mon activité. Et vous avez déjà eu recours à ce service, Hubert ? Oui, tout à fait. Justement, la semaine dernière, j'ai eu un souci électrique au laboratoire. Et je peux vous dire que j'apprécie vivement de pouvoir joindre quelqu'un par téléphone et de remettre l'installation assez rapidement en marche. C'est bien. Et alors, combien ça vous a coûté ? Eh bien, écoutez, rien du tout. C'est ça qui est formidable. Parce qu'on nous sommes couverts jusqu'à 600 euros pour les frais de main-d'œuvre et de remplacement des pièces défectueuses. Et comment vous avez souscrit à ce service, alors ? Eh bien, tout simplement en contactant un conseiller EDF Entreprises au 3022. Merci beaucoup, Hubert. Appel gratuit. Voir caractéristiques et conditions des offres sur edf.fr/entreprise. Les services d'assistance sont garantis par Europe Assistance. EDF est mandataire d'assurance immatriculé au registre des intermédiaires en assurance. L'énergie est notre avenir. Économisons-la. Cuisine Aviva, c'est pour ceux qui sont à l'affût des meilleures affaires et pour ceux qui savent sauter sur la bonne occasion. Du 8 octobre au 20 novembre, Cuisine Aviva vous offre jusqu'à 6 électros. Alors, n'attendez plus et venez vite chez Cuisine Aviva. Voir conditions en magasin et sur cuisine-aviva.com. Cuisine Aviva, garantie à vivre. Charolaise, Limousine, Blonde d'Aquitaine, Aubrac, Salaire. Les viandes racées vous invitent à découvrir des plaisirs racés. Alors, Madame Beauchamp, vous êtes éleveuse de charolaises. Dites donc, elles sont impressionnantes. Oui, c'est sûr qu'elles profitent bien. Elles se nourrissent à l'herbe des prés les deux tiers de l'année. Et puis, le reste du temps, c'est le fourrage de la ferme. Les deux tiers de l'année à brouter. Elles entretiennent vos prairies, alors? Ah bah, c'est sûr que sans nos bêtes, le paysage, il n'aurait pas du tout cette tête-là, hein, si j'ose dire. Et alors, ça donne quel type de viande? Bah déjà, une bête qu'on nourrit bien toute sa vie, à qui on a laissé le temps de grandir, naturellement, ça fait une bonne viande, très persillée, très goûteuse. C'est ça, les viandes racées. Bazadaise. Blanc bleu. Rouge des prés. Parthenaise. Gascogne. Les viandes racées, initiez-vous au plaisir racé. Alors, on se la fait, la belle maison du fond? Non mais t'es pas bien toi, t'as pas vu qu'il y a une alarme d'Ethem? On est sûr de se faire griller. Viens, on se fait celle d'à côté. Jusqu'au 30 novembre, d'Ethem reprend votre ancien système d'alarme et vous offre 50% de remise sur les produits de détection extérieure. Rendez-vous sur www.daitem.fr. Offre soumise à condition. Hervé Pouchol continue de négocier avec l'artisan pour qu'il nous donne sa version des faits. Nous aurons l'appel pour le maire privé de téléphone dans son village. Vous êtes sur RTL. Il est 10h. L'information sur RTL, c'est avec vous Agnès Bonfillon, bonjour. Bonjour Julien, bonjour à tous. Deux jeunes à nouveau tués dans des bagarres. Le premier de 17 ans a trouvé la mort à Sarcelles dans le Val d'Oise hier soir. Cette nuit, c'est un autre adolescent qui a succombé à ses blessures dans le 19e arrondissement de Paris après une rixe entre bandes rivales à coups de barre de fer et de couteau. Bruno Le Maire s'engage concernant l'avenir du site d'Ascoval dans le Nord, la scierie de Saint-Saulve. 1 euro d'argent public sera investi pour chaque euro d'argent privé. Le ministre de l'économie était l'invité de RTL ce matin. Avec cette promesse, il espère convaincre les repreneurs alors que le tribunal de commerce doit rendre sa décision aujourd'hui et que Vallourec, la maison mère, se désengage, refuse d'apporter le soutien financier à l'un des candidats. Ça ne passe pas du tout. Pas question que le groupe s'en lave les mains, répète Bruno Le Maire. Lactalis à nouveau sous le feu des projecteurs. Selon le Canard enchaîné, 800 000 tonnes de lait en poudre sortant de l'usine contaminée par la salmonelle à Cran en Mayenne. 800 000 tonnes de lait auraient été écoulées. Le journal s'appuie sur des documents fournis par la préfecture. Si jamais Lactalis a essayé de frauder par rapport aux consignes qui lui avaient été données, évidemment, il doit y avoir sanction selon François de Rugy, le ministre de la Transition écologique. Donald Trump change de ton. Le président américain estime que le meurtre du journaliste saoudien Khashoggi est, je cite, « l'une des pires opérations de dissimulation de l'histoire ». L'opposant au régime était entré au consulat d'Istanbul il y a 3 semaines. Il n'en est jamais ressorti. De son côté, l'Allemagne a suspendu ses ventes d'armes à Riyad. La France, elle, fait profil bas et ne prend pas position. La météo, avec du soleil qui revient cet après-midi de la Bretagne au Pays de la Loire et à l'ouest de la Normandie. Quelques bruines sur les frontières du Nord, partout ailleurs. Ciel bleu, Mistral et Tramontane se renforceront encore autour de la Méditerranée. Attention avec des rafales entre 80 et 100 km/h. La Bourse de Paris, elle, ouvre en légère hausse ce matin, plus 0,56%. Le CAC 40 s'établit à 4 995 points. Les températures, j'en reviens à la météo, pardonnez-moi. 13 à Langres, 14 à Metz et Nancy, 15 à Strasbourg, 16 à Paris, Reims, Dijon et Le Havre, 17 à Lille, Orléans, Lyon, 19 au Mans, 20 à Nantes et La Rochelle, 22 à Aurillac, 23 à Marseille et Ajaccio, 26 à Montpellier. On passe aux courses cette fois, elles auront lieu à Deauville aujourd'hui. Claude Piersanti vous conseille de jouer le 7, le 4, le 11, le 3, le 9, le 12, l'As, le 13, dernière minute, le 11. Il est 10h03 sur RTL, l'heure de retrouver Julien Courbet et toute son équipe pour la suite de Ça peut vous arriver. Pour changer un peu, vous auriez pu dire et son orchestre. J'ai failli, mais je n'ai pas osé. Et ses caliches et son notary. Enfin, une présentation à la Roger Lanzac. Et tout de suite, Julien Courbet et ses caliches. Voilà, j'arrive avec mon cerceau. Regardez, Maître Félodon. Hop là, elle passe dans le cerceau avec les flammes. J'allume. Regardez ce qu'elle fait, Blanche de Drambillier. Elle met ses deux petites pattes avant, elle va sauter. Allez, hop là, saut périlleux. Mais oui, c'est ça dans le studio. À tout à l'heure, Agnès. À tout à l'heure. Nous allons faire le point info, c'est parti. Le point sur tous les cas c'est la Minute Info. Alors, nous avons bien sûr démarré par Vincent. Il est plombier chauffagiste. Il a travaillé en sous-traitance pour une société qui lui doit 9 100 € depuis un an. Et c'est très compliqué, car nous avons Vincent qui nous dit, voilà, on me doit 9 000 €. Nous avons donc appelé celui qui lui a confié ce travail, Monsieur Caron. Il se trouve que Monsieur Caron se rendrait à un rendez-vous un peu privé, peu importe lequel. Il ne peut pas nous parler, c'est ce qu'il vous a dit. Vous allez nous donner votre version des faits, la version de Monsieur Caron, dans quelques instants. D'accord. Mais entre-temps, Maître Felonneau, donc vous avez eu Corinne, vous nous avez expliqué qui est la cliente finale qui a payé Monsieur Caron, qui lui-même a payé ce monsieur. Donc, pour l'instant, on se dirige vers un procès, c'est bien ce que j'ai compris. Il y en a un, figurez-vous, Corinne est convoquée le 3 décembre devant le tribunal d'instance de Dunkerque, à la demande de Monsieur Caron, qui demande le solde de sa facture, soit 5 000 €. Alors, avant, on va voir, parce qu'après, est-ce que ça concerne vraiment Vincent ? On va se poser la question, mais auparavant, que vous a dit Monsieur Caron ? Alors, Monsieur Caron m'a dit la chose suivante, c'est-à-dire qu'il est tout à fait d'accord, il doit effectivement 9 100 € à Vincent. Ça, c'est très très clair. Est-ce qu'il est content ou pas de son travail ? Est-ce qu'il vous l'a dit ? Là, il m'en a pas parlé. D'accord. Mais en revanche, il m'a dit qu'il avait tout essayé pour trouver des solutions avec le client, la cliente, Corinne, qu'il a fait des propositions financières, qu'il lui a donné des conseils par rapport à son assurance, et qu'au bout d'un moment, il s'est présenté chez la cliente et qu'elle les aurait mis dehors. Il était accompagné de son épouse. On essaiera quand même de l'avoir demain. Là, c'est un rendez-vous privé, on ne veut pas l'embêter, mais ça serait bien qu'il vienne nous dire tout ça sur l'antenne d'RTL, parce que tout le monde a parlé pour l'instant sauf lui, mais on comprend pourquoi il n'a pas pu parler. Il a vraiment une bonne raison. Donc maintenant, une règle d'or avec vous, Maître Felonneau. C'est la question qui tue. La règle d'or sur RTL. Si l'entreprise Caron a des problèmes avec son client, Corinne, peu importe qui a raison, qui a tort, et si l'entreprise Caron a demandé à Vincent Hollander de venir travailler, Hollander va nous dire, moi j'y suis pour rien dans ses problèmes avec sa cliente, est-ce qu'il lui doit quand même les sous et est-ce qu'il faut vraiment attendre qu'il soit payé ? Bien évidemment, cette facture est due indépendamment du conflit avec le donneur d'ordre, le maître d'ouvrage en espèce. Il doit le régler à moins qu'il ait un reproche sur la qualité du travail effectué par Vincent. Ce n'est pas le cas. Il y a quand même un procès verbal de réserve qui montre que le travail n'est pas tout à fait terminé, car Corinne m'a expliqué que la pompe marcher en qualité thermique, mais qu'elle doit être branchée sur le réseau électrique pour avoir un chauffage d'appoint par grand froid, qu'il y ait une espèce de relais. C'est pour ça qu'il nous faut avoir vraiment M. Caron demain. Le deuxième cas, c'est celui de M. le maire, qui est patient. On va le prendre dans quelques minutes. Il sait que de toute façon, son cas sera traité ce matin. Mais nous avons perdu un peu de temps avec le premier. Ça fait 7 semaines que dans sa commune, il n'y a plus ni internet, ni téléphone fixe. Et on a lu ça dans les colonnes du Parisien. L'appel, bien sûr, à l'opérateur téléphonique, c'est dans quelques instants. Et là, juste après la toute petite pause, je vais retrouver Louise à qui je devais parler. Louise est l'éducatrice qui s'occupe de la formation de Napo. Napo, c'est notre mascotte, c'est votre mascotte. C'est ce petit toutou qui va être maintenant chien guide d'aveugle. Il nous faut 25 000 € pour que sa formation ait lieu. Vous savez que c'est très compliqué, une formation. Nous en sommes à 11 333 €. 11 333 €, vous êtes fantastiques. Certains donnent 4 €, 5 €, 3 € selon leurs moyens. D'autres donnent plus, tant mieux pour eux. Vous allez sur Litchi, le spécialiste de la cagnotte, et vous choisissez la cagnotte, offrez un chien guide à un non-voyant avec RTL. Et Louise va nous dire tout ce qu'elle lui apprend, et vous allez voir que c'est passionnant. A tout de suite sur RTL. Oh non, mais les ados. Ma fille, le week-end dernier, qui me dit que c'est plus une enfant, qu'elle veut plus d'autonomie. Ah, classique. Et t'as fait quoi, alors ? Je lui ai prêté mon Huawei Mate 20 Pro avec ses 2 jours d'autonomie. Ah, t'es bête. Du 16 au 25 octobre, la Huawei Watch GT avec ses 15 jours d'autonomie d'une valeur conseillée de 199 € est offerte pour toute précommande d'un Huawei Mate 20 Pro. Autonomie testée dans les conditions normales d'utilisation d'à 0,40 watts. Modalité de l'offre sur huawei-offre.fr. Ma chérie, qu'est-ce que tu fais la tête en bas devant ton placard à chaussures ? Je me prépare aux offres renversantes de Besson Chaussures. Pendant les Best Only Days, ils font jusqu'à moins 50%. Moins 50%, c'est renversant ! Jusqu'au 4 novembre, selon quantité d'articles achetés, voire conditions et magasins participants sur besson-chaussures.com. Besson Chaussures. À vous qui criez cocorico devant les produits du terroir. À vous qui voyez le monde plus beau en bio. À vous qui aimez les prix vraiment imbattables. Découvrez nos 3000 produits Netto qui répondent à vos besoins au prix les plus bas du hard discount. Netto, le discounter qui fait la différence. Si vous trouvez moins cher ailleurs, Netto vous rembourse 2 fois la différence. Modalité sur netto.fr. Vous écoutez le 9h30-11h sur RTL. Allez, notre grande opération, nous aimons les chiens et nous voulons prouver à tout le monde qu'il faut les respecter car les chiens peuvent donner leur vie pour leur maître. Et c'est le cas du petit Napo qui a à peine 1 an et qui est entre les mains de Louise. Bonjour Louise. Oui, bonjour à toute l'équipe, bonjour aux auditeurs. Alors Louise, expliquez-nous en deux mots déjà combien de temps faudra-t-il à Napo pour devenir un vrai chien guide d'aveugle ? Alors Napo a d'abord passé une petite année donc au sein de sa famille d'accueil et là il me rejoint pour une petite année à nouveau en tant qu'élève chien guide au sein de notre école. Donc en tout il faudra à peu près 2 ans pour que Napo puisse être remis à un déficient visuel. Très bien, alors Napo, qu'est-ce qu'il sera capable de faire quand la personne non-voyante va lui donner un nom tel que boulangerie ou ce que vous voulez, il connaîtra le chemin par cœur et les embûches de ce chemin ? Alors non, absolument pas. Nos déficients visuels connaissent leur trajet, bien évidemment. Et en fait, c'est le déficient visuel qui donne les ordres aux chiens, donc de tourner à droite, de tourner à gauche, de trouver les passages piétons, par exemple. Napo assurera principalement la sécurité de son maître, donc en évitant les obstacles qui peuvent encombrer les trottoirs, et donc en le mettant en protection en traversant sur la route. C'est-à-dire que dès que Napo va avoir une route, il va se mettre en travers en lui disant « Attention, il y a un trottoir, il faut être prudent ». Voilà, exactement. Donc Napo va bien marcher sur le trottoir, on lui apprend à marcher bien au milieu. Si à un moment il encombre le trottoir et malheureusement le maître ne peut pas passer avec son chien, Napo va se mettre sur le côté de l'obstacle, proposer de descendre du trottoir à son maître et ensuite remonter le trottoir pour remettre à nouveau son maître en protection. On comprend qu'il faut des heures et des heures parce que la concentration au bout d'un moment doit se perdre, donc vous devez recommencer le lendemain. D'ailleurs, il y a une petite vidéo sur le Facebook, ça peut vous arriver, où l'on voit Napo en plein exercice. Merci beaucoup Louise. Hervé Pouchol me demandait, si jamais la personne non-voyante va au restaurant, est-ce que Napo peut lui dire « je te conseille le Côte-du-Rhône plutôt que le Bourgogne » Non. Ce serait bien, pas encore. Oui, je voulais prendre un chien pour ça, mais pas du tout. Bon, merci en tout cas. 11 333, il faut aller à 25 000. Allez, on est là, c'est notre mascotte, c'est le petit Napo, et on vous donnera des nouvelles et on vous enverra d'autres photos. Merci Louise, à plus tard. Avec plaisir, à bientôt. Bon, monsieur le maire, dans quelques instants, c'est à lui. Nous allons célébrer la nouvelle ligne téléphonique que nous allons essayer de lui obtenir. Quels sont d'ailleurs les problèmes qu'il rencontre ? Bien, sa fille, notamment, et podologue, n'a plus aucun rendez-vous. Je suppose que ce n'est pas la seule qui a fait ce cas, les amis. C'est vous, moi, Céline ? C'est Céline, tout à fait. Il y a également d'autres problèmes, c'est qu'en fait, comme cette zone est dite blanche, le téléphone portable ne peut pas passer non plus. Donc la petite dizaine d'habitants est injoignable depuis 7 semaines. C'est pour ça qu'il faut absolument maintenant, comme le dit Nolwenn Leroy, téléphoner. Hein. C'est le titre de sa chanson que vous connaissez certainement. Pauvres gens de ce village, ils n'ont même plus le téléphone. Quelques lueurs d'aéroport. Pas tout à fait ça, mais bon, on n'était pas loin non plus. Étrange fille aux cheveux d'or. Dans ma mémoire traîne encore. Vers à San Francisco, mais il ne tombe jamais d'eau aux confins du Colorado. Et le Golden Gate s'endort sur Alcatraz où traîne encore les sanglots couleur de prison. Monsieur Carroll Chessman est mort, mais le doute subsiste encore. Avait-il raison ou bien tort? So far away from LA, so far ago from Frisco. Beverly Hills. Et les collines se souviennent des fastes de la dynastie qui de Garbo jusqu'à Bogie faisait résonner ses folies. So far away from LA, so far ago. I'm no one but a shadow, but a shadow, a shadow. Mm-hmm. Nolwenn Leroy, So Far Away From LA, c'est le premier extrait de Folk, l'album de Nolwenn Leroy. Nous avons donc Norbert Laloyer, le maire de ce village qui s'appelle Norbert, comment ? Longuesse. Qui se trouve dans le 95. Ils n'ont plus le téléphone, ils ont beau appeler, deux rues du village n'ont ni internet, ni téléphone fixe. Nous appelons immédiatement Charlotte, maintenant le service client de l'opérateur que vous avez évidemment... Bonjour. Reconnu Orange. Pour connaître le tarif de cet appel et les autres mentions légales, dites tarif. Le nouvel iPhone arrive le 26 octobre chez Orange. Bah, tant mieux. Vous pouvez le précommander dès maintenant, uniquement sur notre site iphone.orange.fr. Nous vous rappelons le prix de cet iPhone. 75 782 euros. Sans la coque. Oui. Pour la batterie, prévoir 600 euros. Pour le câble, car ils ont changé la connectique, prévoir 785 euros. Oui. Il faut que vous parliez à la dame. Répondre à ses questions. Elle a dit oui ou non ? Non. Non. Dans ce cas, pour une meilleure prise en charge de votre appel, merci de saisir à l'aide des touches de votre téléphone les 10 chiffres de votre numéro de ligne Orange ou les 10 chiffres du numéro de téléphone concerné par votre demande. Ah bah allez-y. Hein. Si vous n'êtes... Ça y est ? J'ai compris que vous appelez pour le 01. Oui, voilà, c'est pour lui. Elle a bien compris. Bon, alors vous récupérez le temps qu'on ait un auditeur. Oui. Vous nous... Allô ? Pardon ? Oui. Oh, écoutez, c'est pas possible, ça. Elle va pas passer son temps à me dire oui ou non. Enfin, je ne viens pas le matin au bureau pour justement partir de chez moi parce que ma femme, à longueur de journée, me dit alors c'est oui ou c'est non pour venir entendre la même chose au boulot quand même. J'ai besoin d'avoir mon petit sas aussi de décompression. Dans deux minutes, la dame de chez Orange, elle va me dire et les linges sales, c'est moi qui vais le ranger. Enfin, vous imaginez, mais c'est pas possible. Ou alors, je suis en train de m'apercevoir que mon épouse a une double vie, qu'elle travaille chez Orange et qu'elle m'a reconnu. Vous allez voir dans deux secondes. La serviette mouillée, elle va se remettre toute seule sur le séchoir. Imaginez c'est sympa, le cauchemar. Partout où vous appelez, vous la retrouvez. Bon, dès que vous avez quelqu'un, Charlotte, vous me le passez. Monsieur le maire, ne patientez. On arrive, ça oui, va. Oui, je patiente. Je tire le câble et je l'amène jusque chez vous. Charlotte. Elle nous embête, cette dame, parce qu'elle nous dit qu'elle ne reconnaît pas la ligne concernée. Eh bien, évidemment, il n'y a plus le téléphone. Bah oui, voilà. Ça, c'est fort aussi quand on vous dit « Allô, j'ai plus le téléphone. Attendez, on appelle pour vérifier. » Ben non, il n'y a rien. Ben oui, je suis en train de te dire qu'il n'y a plus le téléphone. Je sens que je vais demander, parce que monsieur le maire m'est sympathique, à Hervé Pouchol d'utiliser le fameux système D. Okay. Hein, on saute par-dessus le standard et on va trouver quelqu'un dans les bâtiments qui va nous aider. Comptez sur moi. Allez, à tout de suite, monsieur le maire. Donc, on rappelle quand même que pendant ce temps-là, Delphine, votre fille, continue d'exercer le métier de pédicure-podologue. Oui. Bon, à Longuesse. Elle est à quelle adresse exactement ? Elle est aux 3 rue du Moulin. Voilà, alors je vais vous envoyer, tiens, Maître Félonneau. Oui. Du coup, ça peut lui donner, rien que sur un pied, 15 jours de boulot. Très bien, c'est parfait pour elle. Bah, oui. Alors attention, parce que quand elle se mettra au bout du pied pour faire les ongles, il se peut qu'elle n'entende pas ce que dit Maître Félonneau, qui sera très loin, parce que je vous assure, est très très loin. Des fois, il ne fait pas la même température à un bout du pied et à l'autre. On a elle vu fera des son jours. Chiffre d'affaires du mois. Ouais, de l'année, je pense. Oui, Blanche. Oui, on peut rappeler aussi qu'en application de l'article 98-4 du Code des Postes, le fournisseur doit rétablir la ligne à bref délai. Ça veut dire 5 jours, déjà, c'est trop tard. Ils doivent indemniser. Donc là, on est à 6 semaines. Mais on l'a vu encore récemment sur un contrat. On avait appelé, je crois que c'était cet opérateur qui expliquait qu'il avait combien ? 2 jours pour venir, même pas. Oui, 24 heures, parce que ce sont des contrats pro. Voilà. Cela dit, l'indemnisation n'est pas basée sur le chiffre d'affaires. Je le dis pour votre fille, monsieur le maire. Parce que c'est un préjudice indirect qui est exclu par les contrats. Mais la condamnation des tribunaux à payer les dommages et intérêts, c'est sur le fait de ne pas avoir respecté les délais de réparation et de laisser les gens avec tout le préjudice, effectivement, moral, matériel, tous les ennuis que ça comporte, qui là sont directement liés au retard de réparation. Allez, nous nous retrouvons dans quelques instants dès qu'ils répondent et nous attaquerons un nouveau cas, Céline. C'est Philippe qui est parti en vacances, plus de 2000 euros pour 2 semaines dans une maison. Il n'a même pas logé sur place, finalement. La cagnotte Litchi offrait un chien guide, un non-voyant avec RTL. On compte sur vous, 2 euros, 3 euros. Tout le monde peut donner ce qu'il veut. On en est à 11 616 pour 25 000. Vous êtes sur RTL ? À tout de suite. Auchan, et la vie change. Et pendant les 125 jours au champ, c'est la soirée Halloween de Virginie qui change avec la troisième boîte offerte pour l'achat de deux sur une sélection de bonbons Haribo. Virginie, tu n'as pas envie qu'un enfant te jette un sort et te transforme en chou-fleur puant? Alors prévois plein de bonbons. Vos magasins Auchan et Auchan Drive proposent deux achetés égale le troisième offert sur la gamme Haribo Méga Fête et Halloween change. Auchan. Offre disponible jusqu'à mardi, valable sur les produits Méga Fête Surprise 800 grammes, Pic 720 grammes et Dragibus 960 grammes. Voir conditions en magasin. Pour votre santé, limitez les aliments gras, salés, sucrés. Amis voyageurs, notre voyage continue. Wow, vous avez vu comment on va vite? On a pris les voies rapides de la fibre de SFR, c'est incroyable tellement ça fuse! Et toute cette vitesse pour seulement 15 euros par mois, ça, ça décoiffe vraiment! Accrochez-moi vos cheveux! En ce moment, chez SFR, les bons plans ne s'arrêtent plus. Jusqu'au 25 octobre, la fibre starter est à seulement 15 euros par mois pendant un an, puis 41 euros. Appelez le 1090, service et appel gratuit. Offre soumise à conditions d'éligibilité réservée aux nouveaux clients. Box mise à disposition, engagement 12 mois, frais d'ouverture de service 49 euros. Sophie est artisan fleuriste. Aujourd'hui, elle a coupé 600 fleurs, livré 9 bouquets et rendu 3 femmes follement amoureuses de leur homme. Ah, j'oubliais. Sophie a aussi fait réviser son véhicule Renault en une heure. Et ça, c'est un vrai plus. Avec le réseau spécialisé Renault Pro Plus Premium, bénéficiez de services d'entretien adaptés aux pros. Comme un véhicule de remplacement de même catégorie, un accueil dès 7 heures et des tarifs sur mesure. Offre et services réservés aux professionnels sur les véhicules Renault dans le réseau spécialisé Renault Pro Plus Premium. Liste des affaires et conditions sur Renault.fr. Conforama, le confort pour tous. Encore un bon plan chez Conforama. La télé Samsung 138 cm Ultra HD est à 499 euros au lieu de 699. Un grand écran à ce prix-là, c'est cadeau. Conforama, 200 euros remboursés par Samsung jusqu'au 4 novembre. Conditions en magasin sur Conforama.fr. Cet hiver, partez à prix fou pendant les Folies Days TUI. Des séjours à moins de 399 euros, des séjours au ski, des séjours dans les îles. C'est seulement 5000 places à saisir jusqu'au 29 octobre, en exclusivité sur TUI.fr ou en agence TUI et Nouvelles Frontières. TUI, numéro 1 mondial du voyage. Folie Days égale folle journée. Départ du 1er novembre 2018 au 31 mars 2019. Conditions sur TUI.fr. Le Grand Bain. Je me suis inscrit dans une équipe de natation synchronisée. Le meilleur film français de l'année pour RTL. Championnat du monde. Qui est pour? Un film de Gilles Lelouch avec Mathieu Amalric, Guillaume Canet, Benoît Poulvorde, Jean-Hugues Anglade, Virginie Efira, Leïla Becti, Marina Foyce et Philippe Catherine. Qu'est-ce que j'écris là? Équipe de France. Pourquoi pas les hommes dauphins? Non. Le Grand Bain, aujourd'hui au cinéma. Avec RTL. Lidl, meilleure chaîne de magasins de l'année. Allô patron? Bon, des nouvelles de Lidl? Ah, et toute fraîche, hein. Et il y en a 8. C'est le club des frais. 8 jolies peluches à collectionner. Des fruits et légumes trop mignons, patron. Oui, bon, tu m'en dis plus? Plus? Eh ben, du 26 septembre au 25 novembre, pour 15 euros d'achat, les clients reçoivent une vignette. Et en échange de 18 vignettes plus 99 centimes, ils emportent une peluche. Moi, ma préférée, c'est le brocoli. Arrête, j'en peux plus. Ah ben, on est mal, très mal. Lidl, le vrai prix des bonnes choses. Modalité de l'opération disponible sur lidl.fr/club des frais. Vous écoutez le 9h30-11h sur RTL. Nous attaquons un nouveau cas. Je rappelle que nous sommes en attente. Ah ben une alerte, alors visiblement c'est sur le téléphone. Oui tout à fait, nous sommes en ligne avec Orange. Ah bonjour Orange. Bonjour monsieur. Alors je me présente, je suis Julien Courbet. Nous sommes en direct sur la radio RTL. Je suis avec le maire d'une commune, monsieur Norbert Laloyer, qui est maire de Longuet. Ça se trouve... dans quel département, Norbert? Dans le Val d'Oise. Dans le Val d'Oise. Il y a maintenant, depuis très longtemps, depuis plusieurs semaines, il y a même eu un article dans Le Parisien, des rues qui n'ont ni Internet, ni téléphone fixe. C'est une cata parce qu'il y a des commerçants qui perdent des rendez-vous et on ne comprend pas pourquoi on ne peut pas intervenir plus vite. Est-ce que vous pouvez nous aider, s'il vous plaît? Alors, moi, je suis simplement au service commercial hein, d'Orange. Donc, ah, alors qui dois-je... C'est un tracteur qui a arraché par erreur un câble. À qui dois-je m'adresser? Ça peut arriver, hein, donc après les délais peuvent varier suivant les régions et les travaux demandés. Alors vous patientez un instant monsieur, je vais essayer de vous mettre en relation avec l'assistance technique. Merci beaucoup, j'entends tout à fait ce que nous dit cette dame, ça peut varier mais il faut que ça soit marqué quand même sur le contrat, parce que qu'est-ce qui se passe si on vous dit vous n'avez pas de chance, vous êtes dans une région où on n'intervient pas pendant 6 mois, vous continuez à payer l'abonnement, vous n'avez plus de téléphone, qu'est-ce qu'on fait? Julien, c'est très intéressant ce qu'elle a dit, pourquoi? Parce qu'ils sont tenus d'une obligation de résultat. Ah oui. Quand elle me dit ça peut vous arriver, ça veut dire que c'est pas de la force majeure, c'est un événement tout à fait prévisible. Bien sûr, un peu de... ils doivent rétablir rapidement. Un peu de poujadisme gratuit, si seulement on pouvait dire quand ils nous demandent « Vous n'avez pas payé votre facture ?»« Ah mais monsieur, ça peut varier !» ça peut varier de plusieurs mois. Vous voyez, la SNCF, je paie mon billet le jour même, mais c'est vrai que pour ma ligne téléphonique, ça me prend des fois 5 mois. Et ça serait bien si on pouvait dire ça. Le problème, c'est qu'on vous coupe la ligne dans ces cas-là. Et nous, dans l'autre sens, on a le droit à rien. Allez, nous allons essayer de voir si quand même Hervé, de son côté, essaie de faire le coup du père François. Ben écoutez, je viens de joindre une personne de la direction qui est en vacances et qui m'a quand même répondu et qui a transmis le message à sa direction. Vous êtes très fort, ils sont très forts. Parce qu'on veut savoir ce qui se passe avec Orange, bien évidemment. Hein. Nous, on veut savoir... Qui a coupé la ligne Orange. Qui a coupé la ligne de Norbert. Norbert le maire, qui est en ligne avec nous. Norbert, on avance, on appelle tout le monde, oui, d'accord. Merci. Est-ce que vous avez des grands projets prévus pour la commune de Longuès? Oui, on a toujours des projets. On est J'ai entendu parler d'un aéroport. Non. Attention, on est dans une zone protégée, on est dans le Vexin français. Dans le Vexin, mais c'est magnifique le Vexin. Le Vexin, pour ceux qui ne connaissent pas, quand vous partez de Paris, vous faites à peine, je ne sais pas, 30-40 km, pas plus, et vous êtes dans l'une des plus belles campagnes de France. Donc c'est pour ça que le prix du mètre carré vaut très cher. Je vous le confirme. Et on a la plus belle mairie du Vexin à Longuès. Ah, ouais. Elle est magnifique. La plus belle église et la plus belle mairie du Vexin. On m'a dit aussi que la femme du maire était pas mal. C'est pas à moi d'en juger. Merci Norbert, à tout à l'heure. Dès que nous avons bien sûr Orange, nous vous prenons sur l'antenne. Restez près du téléphone. On va peut-être essayer de faire avancer les travaux. Un cas de voyage assez exceptionnel à venir. C'est Philippe qui a payé plus de 2000 euros pour 2 semaines de vacances. Et finalement, il n'est pas resté sur place, mais il a quand même payé. Une petite parenthèse. On repart sur la cagnotte. Une petite parenthèse pour nos amis, notre ami chien d'aveugle. Nous sommes à 12 151 euros. Fantastique. Il faut qu'on aille à 25 000 pour notre mascotte, ce qui nous permettra chaque jour de parler de lui et de rappeler qu'il faut aimer les chiens. Mais surtout, il y a eu beaucoup de scandales de commerçants qui refusent les chiens d'aveugle, Blanche. Oui, il y en a eu un récemment, Julien. Et vous avez raison de le rappeler. Les chiens guides d'aveugle sont autorisés dans tous les lieux publics. Et même dans les magasins d'alimentation. Restaurants aussi. Tout à fait. C'est l'article L125-1 du Code de l'hygiène et de l'alimentation. Et sachez, Julien, que ça doit même être affiché à l'entrée du magasin que les chiens d'aveugles peuvent entrer. Malheureusement, comme on le sait, il y a beaucoup de commerçants qui ne le respectent pas. Il faut savoir que s'ils ne le respectent pas, il y a une amende qui est prévue, une contravention de la... troisième classe, 450 euros, mais malheureusement... L'amende, ils s'en moquent. Alors par contre, ce dont ils ne se moquent pas du tout, c'est quand c'est filmé, ce qui est le cas souvent. Là, il y a un jeune homme qui s'est fait virer d'un magasin Manu Militari, et il y avait quelqu'un qui filmait. Je peux vous dire que quand ça s'est vu 100 000 fois sur les réseaux sociaux, tout de suite, vous avez la direction qui dit « On a formé le personnel, ça n'arrivera plus ». C'est la meilleure façon, parce que l'amende, ça les fait ricaner, il faut dire les choses comme elles sont. Oui, mais il a quand même porté plainte, et j'espère que cette fois, on aura une condamnation. On va se retrouver donc dans une seconde pour ce cas Voyage, vous êtes sur RTL, il y a Maître Fellonneau, il y a Blanche de Grandvilliers, deux avocates qui sont là chaque matin pour apprendre le droit qu'elles ne connaissent pas grâce à vous, car au fur et à mesure des cas, elles ont un petit fascicule, le droit pour les nuls, et ben ça marche, parce qu'elles donnent de bons conseils. Vive RTL, le 9h30, 11h. À la bonne heure, Stéphane Bern sur RTL. Lucie, je me sens vraiment indigne. Ah bah, je ne vous dis pas merci par contre. Non. Est-ce que si je vous envoie le livre dédicacé de Frédéric Becbédé, vous me pardonnerez pour aujourd'hui? Est-ce que je pourrais avoir une petite montre RTL? Ça me ferait vraiment plaisir. Ah bah merci. On fera un deuxième essai dans la bonne heure. La montre RTL ou Romanesque, le livre de Laurent Deutsch. Laurent Deutsch est en effet l'invité de la bonne heure. C'est à 11h. À tout à l'heure. Oh non mais les ados. Ma fille le week-end dernier qui me dit que c'est plus une enfant, qu'elle veut plus d'autonomie. Ah classique, et t'as fait quoi alors? Je lui ai prêté mon Huawei Mate 20 Pro avec ses 2 jours d'autonomie. Ah t'es bête. Du 16 au 25 octobre, la Huawei Watch GT avec ses 15 jours d'autonomie d'une valeur conseillée de 199 euros est offerte pour toute précommande d'un Huawei Mate 20 Pro. Autonomie testée dans les conditions normales d'utilisation d'à 0,40 watts. Modalité de l'offre sur huawei-offre.fr. Dites-moi mon petit, vous savez où Akena fabrique ses vérandas? Oh non madame Latsou. Eh bien c'est en France, en Vendée même. Ah bon? C'est bien ça. Mais c'est exceptionnel vous voulez dire. En plus Akena est élu leader 2017 pour sa qualité de service par le magazine Capital. Ça vous est pas, non? Je pourrais peut-être faire appel à eux. Je veux, mon neveu! Akena, c'est du sérieux. Faites-moi confiance, y a pas mieux. Akena, la reine des vérandas. En ce moment, dans les magasins U, ce sont les ventes privées live. Et Lisa croise un responsable du rayon frais. Mon cousin italien arrive demain. Il tombe à pic. Pour l'achat d'une pizza Debo chèvre affinée lardon ou 4 fromages fondants de 470 grammes, la seconde est offerte, soit 2,69€ les deux pizzas. 2,69€ seulement ? Ah, ça m'épate. Non, des pizzas. Épatant. Dépêchez-vous. Les ventes privées live, c'est jusqu'à samedi dans les magasins U participants. Liste sur magasinu.com, soit 2,86€ le kilo, transformé en France. U. Commerçons autrement. Pour votre santé, bougez plus. C'est le moment. Le moment de vous joindre aux millions de personnes qui organisent des joyeux meetings avec la vidéoconférence Zoom. Zoom vous offre une vidéo parfaite, une audio très claire et un partage instantané sur tous les appareils mobiles, les tablettes ou les appareils de bureau. Mais ce qui est le mieux avec Zoom, c'est que ça marche, tout simplement. Alors fini les distractions, joignez-vous au mouvement et à vous les joyeux meetings avec la vidéoconférence Zoom. Visitez zoom.us/fr pour créer votre compte gratuit aujourd'hui. C'est zoom.us/fr, la vidéoconférence Zoom. Et si on parlait Renault Service ? Bonjour, c'est Monsieur Richard. Une question. Le jour de la révision de votre voiture, comment faites-vous ? Vous allez travailler en fusée interstellaire ? Ou à dos d'âne ? Chez Renault Service, on vous prête un véhicule de remplacement le jour de la révision. C'est quand même plus pratique. Et en plus, vous avez l'assistance incluse pendant un an. Qui mieux que Renault peut entretenir votre Renault ? Offre réservée aux particuliers, voire conditions sur Renault.fr. Vous écoutez le 9h30-11h sur RTL. Rapido point info si vous le voulez bien, car il est 10h30 sur l'antenne d'RTL dans le 9h30-11h. Le point sur tous les cas, c'est la Minute Info. Bon, en ce qui concerne Vincent, le plombier chauffagiste, dont on rappelle la situation. Eh bien, il a travaillé en sous-traitance pour une société qui lui doit 9 100€ depuis un an. Nous attendons que notre ami qui doit les 9 100€ nous rappelle demain, puisque là, je crois qu'il est à un lieu, enfin, un rendez-vous qui ne nous regarde pas privé, mais il vous enverrait peut-être des documents dans la journée. Il va confirmer, m'envoyer tous les documents, donc c'est quelqu'un d'ouvert et qui est très ouvert au dialogue. Et nous avons un deuxième cas, celui de monsieur le maire du village du Val d'Oise, il ne sait plus quoi faire. Les habitants sont privés d'internet et de téléphone fixe depuis cette semaine. Pardon Charlotte, avec Orange. Je suis en ligne avec le service technique qui regarde le dossier actuellement. Et à venir, un cas de voyage. C'est Philippe, il a payé plus de 2 000€ pour 2 semaines de vacances. Finalement, il n'est pas resté sur place car la maison ne correspondait pas à l'annonce. Et maintenant, nous allons écouter un titre qui avait été élu, je vous assure que c'est vrai, comme la chanson la plus érotique et glamour du siècle, parce qu'elle évoque plein de choses. Alain Hazard, notre rédacteur en chef, peut vous le confirmer. C'est Marvin Gaye avec le sexual healing, c'est-à-dire avoir un peu l'esprit sexe, etc. Ça vous change un peu de Balibalo. Hervé Pouchol, excusez-nous d'essayer de taper un petit peu plus haut et de changer de registre. Moi, oui. Je fais un excellent striptease avec les rideaux, je me sers de cette musique et moi, ça j'annonce. Marche très très bien. Moi je peux même annoncer le 10 novembre à Deauville. Je serai au casino pour le one man show 10 novembre Deauville. Oh oui. Et ça marche. Les gens vont croire que je me mets nu sur scène, pourquoi pas. Je le ferai s'il le faut. magnifique Marvin Gaye. Hein. Avouez quand même que ça met une ambiance, Blanche Grandvilliers. Je suis d'accord. Moi, je le mets toujours, toujours avant de démarrer. Le problème, c'est que je m'endors avant la fin de la chanson. Donc ça ne sert pas à grand chose. Où en est-on, s'il vous plaît, du côté d'Orange? Déjà, que se passe-t-il, Céline, avec Orange? C'est chez Norbert, dans sa commune. Il n'y a plus internet et plus téléphone dans les rues de son village depuis cette semaine. Alors, nous attendons depuis un petit peu de temps maintenant. Oui, alors la personne du service technique a bien retrouvé le dossier. Elle a vu qu'il y avait un incident et elle a vu que la date de rétablissement était prévue le 13 septembre. Alors, vu qu'on est le 24 octobre, il y a un petit problème. Malheureusement, elle ne peut rien. Elle nous a rassuré. Écoutez, monsieur, je ne sais pas pourquoi vous nous embêtez. La date, elle est fixée. Hein. Ils viennent le 13 septembre. Oui, mais on est en octobre. 2019, et alors peut-être. Qu'est-ce que ça change? Bon, donc Orange a fixé une intervention le 13 septembre. Nous sommes le 24 octobre. Alors, vous lui avez et elle ne peut rien me dire de plus. Donc, on va être rappelé dans l'après-midi. Ah, non. Dites-moi, là, ne serait-on pas dans un épisode de Benny Hill? Nous allons essayer d'avancer avec la direction. Vous avez bon espoir, Hervé? Ah oui, j'ai bon espoir. Ils sont en train de travailler sur le dossier. Alors, évidemment, c'est une grande boîte. Ils sont sérieux. À chaque fois qu'on les appelle, ils nous écoutent. Mais j'aimerais juste leur faire comprendre une chose. Mettez-vous à la place, parce que là, on est dans une ambiance détendue. Le petit commerçant qui a besoin de clients et qui compte le nombre de clients chaque jour, parce que s'il a passé 7 clients, il ferme, qui n'a plus de téléphone, qui ne peut plus prendre de clients, à qui on dit, ne vous inquiétez pas, l'intervention est prévue le 15 septembre quand on est le 24 octobre. Il devient fou, il dit, mais pendant ce temps-là, moi, je fais comment pour vivre? C'est ça, c'est cette folie de ces centres d'appel où il n'y a plus beaucoup d'humanité, parce que la dame au bout du téléphone, elle lit un ordinateur et vous aurez beau lui répéter 25 fois, madame, on est le 24 octobre, je me fous que votre intervention soit programmée le 19 septembre. C'est qu'il y a une erreur. Ah ben oui, mais moi, je peux pas, c'est ce que j'ai sur ma fiche et j'ai pas le droit de dire autre chose. Est-ce qu'il pourrait y avoir un préjudice pour ce cas, Blanche? Oui, Julien, et comme on l'a dit tout à l'heure, il y a des décisions qui ont été rendues et même si les conditions générales prévoient l'exclusion des préjudices indirects, il y a des préjudices directs qui sont indemnisés et on a des exemples à hauteur jusqu'à 6 ou même 10 000 euros. Ah, j'ai envie d'un peu de romantisme là parce que tous ces problèmes, hein, j'ai envie de dire « Si tu savais !» Comme je t'aime. Hommage à Marc Lavoine. Dans quelques instants, je vais l'accueillir tout de suite sur l'antenne d'RTL pour lui faire un petit coucou. C'est Philippe. Philippe, vous m'entendez? Oui, bonjour Julien. Bonjour à toute l'équipe. Philippe, nous allons jouer au oui ou non. Vous me dites oui ou non, question que je vous pose. Est-ce qu'il est vrai que cet été, vous vouliez partir avec votre femme et vos trois enfants? Oui. Est-ce qu'il est vrai que vous avez fait 1300 km en voiture pour rejoindre une maison de vacances au Portugal? Oui, Julien. Est-ce qu'il est vrai que vous l'avez réservé sur un site internet spécialiste des locations saisonnières? Tout à fait. Est-ce qu'il est vrai que vous avez payé 2083 euros pour 2 semaines? Alors, ce sera 2038 euros pour 2 semaines. Elle semblait parfaite pour votre séjour en famille. Il y avait une piscine. On a un petit film sur Facebook, la page, ça peut vous arriver. Il y avait aussi, comme le dit Hervé Pouchol, un patio. Mais dès votre arrivée, vous comprenez qu'elle ne correspond pas à l'annonce, c'est-à-dire? C'est-à-dire que tout simplement, quand nous sommes arrivés, la maison était très sombre. Elle croulait sous la végétation et empestait l'humidité, tout simplement. Cette maison devait être équipée de 3 chambres, il n'y en avait que 2, puisque le patio était transformé en chambre, avec un plafond de verre, vous imaginez, pour dormir, c'est très pratique. Et puis la maison était très humide, de l'humidité partout, sur les matelas, il y a un petit chevet auprès d'un lit, quand on a voulu allumer la lumière, il était disloqué, tellement le bois était gonflé d'eau. C'était pas possible de rester dans une maison comme ça. Vous avez appelé le propriétaire qui vous dit ne rien pouvoir faire pour vous. Exactement. Il est 18h30, le service client est fermé, vous décidez de passer la nuit sur place. Le service client vous indique ne pas pouvoir vous trouver d'autre logement, vous propose un dédommagement financier. Vous refusez, vous quittez donc les lieux. Donc ça, on verra, c'est une règle d'or, c'est plutôt pas mal pour essayer d'avoir le remboursement total. Mais depuis, vous envoyez des mails, des lettres à l'organisme et tout ce qu'on vous propose, c'est 84 euros d'indemnisation dans une seconde. Nous allons appeler cet organisme qui loue des maisons à l'étranger et il y aura la règle d'or de Maître Blanche de Grandvilliers concernant ces locations. Que doit-on faire quand on arrive et que ça ne correspond pas à ce qu'on a loué? RTL est là pour régler tous vos problèmes entre 9h30 et 11h chaque matin. €321 pour la cagnotte. On continue, on va sur Litchi. La cagnotte s'appelle, je vous le rappelle, offrez un chien guide à un non-voyant avec RTL. Marc, client NetAtmo. On peut être retraité et s'intéresser aux nouvelles technologies, surtout quand elles sont utiles à mon confort et à mon porte-monnaie. J'ai installé facilement le thermostat et les têtes thermostatiques intelligentes Netatmo sur mes radiateurs. Depuis, il fait bon vivre à la maison. On ne perd plus de temps à régler le chauffage. Et ma femme ne se plaint plus d'avoir trop froid quand moi j'avais trop chaud. Avant, ça chauffait entre nous, hein. Maintenant, ça chauffe, mais pour nous. Comme Marc, choisissez Netatmo, des solutions de chauffage intelligentes pour allier confort et économie. En ce moment, jusqu'à 50 euros remboursés sur nos solutions de chauffage intelligentes. Conditions sur netatmo.com. Netatmo, votre maison plus intelligente, tout simplement. RTL, on a tellement de choses à se dire. Dis donc, sympa ta nouvelle voiture. Oh, attends, c'est rien à côté de ma nouvelle assurance. Ah tiens, justement, c'est elle. Bonjour, je suis votre appli Direct Assurance. Je vous confirme que votre nouvelle voiture est désormais assurée chez nous. Et vous venez d'économiser 245 euros pour les mêmes garanties qu'ailleurs. Eh, c'est ton appli banque qui va être contente. En souscrivant chez Direct Assurance, 9 nouveaux clients sur 10 déclarent bénéficier du meilleur rapport qualité-prix. Alors rendez-vous sur directassurance.fr. Direct Assurance, on gagne toujours à être direct. Voir détails sur le site. En ce moment, dans les magasins U, ce sont les ventes privées live. Et Lisa croise un responsable du rayon frais. Mon cousin italien arrive demain. Il tombe à pic. Pour l'achat d'une pizza Debo chèvre affinée lardon ou 4 fromages fondants de 470 grammes, la seconde est offerte, soit 2,69€ les deux pizzas. 2,69€ seulement ? Ah, ça m'épate. Non, des pizzas. Épatant. Dépêchez-vous, les ventes privées live, c'est jusqu'à samedi dans les magasins U participants. Liste sur magasinu.com, soit 2,86€ le kilo, transformé en France. U. Commerçons autrement. Pour votre santé, limitez les aliments gras, salés, sucrés. Vendredi soir à 22h55, Marc-Olivier Fogiel vous donne rendez-vous pour Le Divan sur France 3. Loin de ses tubes légers, la vie de Lio n'a pas toujours été facile. Une enfance pillée, un père qui la kidnappe, une mère qui à son tour l'enlève, un succès phénoménal à 16 ans, la provocation en bandoulière, un côté très sexe, des galères d'argent, une vie privée chaotique, 6 enfants de 4 pères différents, dont un qui l'a batté. Bref, la vie de Lio vaut bien un divan. En partenariat avec RTL. Oh non mais les ados, ma fille le week-end dernier qui me dit que c'est plus une enfant, qu'elle veut plus d'autonomie. Ah classique, et t'as fait quoi alors? Je lui ai prêté mon Huawei Mate 20 Pro avec ses 2 jours d'autonomie. Ah t'es bête. Du 16 au 25 octobre, la Huawei Watch GT avec ses 15 jours d'autonomie d'une valeur conseillée de 199 euros est offerte pour toute précommande d'un Huawei Mate 20 Pro. Autonomie testée dans les conditions normales d'utilisation d'à 0,40 watts. Modalité de l'offre sur huawei-offre.fr. Vous écoutez le 9h30-11h sur RTL. C'est parti, nous appelons maintenant la société par laquelle la plateforme Philippe est passée pour réserver cet appartement qui ne correspondait pas. Allô Novasol ? Ah pardon. Alors allez-y pour une petite règle d'or sans jingle, avec cette petite musique de Novasol dessous, Blanche de Grandvilliers. Que se passe-t-il? Que dois-je faire quand j'arrive sur place et que ça ne correspond pas à ce que j'ai loué? Eh bien, il faut immédiatement le signaler à l'agence qui systématiquement vous met à disposition des numéros d'urgence pour signaler le problème. Il faut quitter les lieux le plus tôt possible. Béatrice, bonjour. Mais... Oui, bonjour Béatrice, Julien Courbet à l'appareil, nous sommes sur la radio RTL. Allô. Oui, allô, vous m'entendez? Allô? Oui, allô, m'entendez-vous? Oula, est-ce qu'on m'aurait pas fait le coup du tunnel? C'est quand même très bizarre que tout d'un coup, quelqu'un ne m'entende pas. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Ça a raccroché, on refait le numéro. Ça peut être le coup du tunnel qu'on nous fait de temps en temps. Oui, allô, bonjour, comment ça va? Qui est à l'appareil? C'est Julien Courbet. Allô, j'entends rien. Là, mais qu'est-ce qui se passe? Oh, bah, j'en ai marre de ce téléphone. Et on raccroche. C'est au théâtre ce soir, en général, parce que les gens... Novasol Coindet, Justine, bonjour. Bonjour, Justine. Julien Courbet à l'appareil, c'est la radio RTL. Pardon de vous déranger, Justine. Est-ce que je pourrais avoir un responsable pour un dossier d'un auditeur d'RTL qui vient de nous appeler et qui a trouvé au Portugal une maison qui n'était pas tout à fait conforme à ce qu'il souhaitait et ce qu'il avait loué? À qui puis-je m'adresser, s'il vous plaît? Alors, un instant, je vais voir s'il y a quelqu'un d'autre qui n'est pas. Merci beaucoup. Vous voyez que ça marchait sur la première ligne, sur la deuxième ligne ça marche, mais sur la première ça marchait pas en fait. On nous l'a fait à l'envers. Alors, inutile de vous dire encore une fois que s'il faut après chercher des responsabilités, il faudra aller Blanche-Grandvilliers au Danemark. Puisque l'adresse, vous pouvez le noter, ça peut vous servir, c'est Virumgardagesvej à Virum au Danemark. Voilà. Donc vous étiez en train de nous faire la règle d'or. Voilà, donc il faut quitter les lieux le plus tôt possible, mais avant de quitter les lieux, eh bien, il faut prendre photos, vidéos, et surtout il faut rendre les clés si on en a, parce que si on s'en va et qu'on garde les clés, évidemment on ne rend pas la jouissance du bien. Charlotte, vous récupérez l'appel et vous me faites une alerte dès que quelqu'un répond du côté de Novasol. Alors il y a quand même une adresse en France, hein, il faut dire les choses comme comme elles sont, ne soyons pas mauvaise langue. Elle est à Manny le Hongre. Le Hongre est, rappelons-le, un cheval qui a été castré. C'est 11 rue de Courtalin. Non, c'est vrai, on appelle ça un Hongre. Bien sûr, vous êtes vous-même Hongre ou pur sang à vos poucholes ? Vous êtes Hongre ou pur sang, vous ? Ah, moi, je suis plutôt pur sang. D'accord, ok. C'est notre Mustang. Je suis entier, quoi. La cagnotte est à 12 531 euros, c'est-à-dire la moitié, pile 50% pour aller à 25 000 pour notre Napo. C'est notre petite mascotte, petit labrador, qui va aider une personne non-voyante et qui deviendra l'emblème de la protection animale pour nous sur RTL. Charlotte ? Novasol, de retour à l'antenne. Novasol, vous m'entendez ? Oui, je vous entends. Donc, Julien Courbet, alors... oui. Alors, dites-moi. Alors là, le responsable est en déplacement. Il pourra vous prendre d'ici le début de fin de matinée, pardon. Est-ce que je pourrais juste savoir, il s'agit de quel client ? Philippe Verdière. Philippe Verdière, numéro de réservation 47 58 789. 789. Est-ce que Madame Daoui est là ? C'est ma collègue, elle est en ligne. Alors, parce qu'elle est en charge du dossier, Madame Daoui. Il y a aussi Madame, il y a Justine Buet, c'est peut-être vous. Et où il y a, il y a Brenda Rakotohari Malala. Ben, c'était une de mes collègues également. En fait, là, vous venez de citer les collègues du service réservation. Donc, mais eux, ils ne sont pas en charge pour les indemnisations. C'est le responsable, c'est ça ? Il y a différents services. Donc, les indemnisations, ça concerne généralement les pays concernés. Bon. Donc là, si c'est Portugal, ce sont nos collègues portugais. Qui est le patron de la... vous êtes en France, à Manille-le-Hongre, qui est le chef du bureau là-bas ? C'est monsieur Pascal Lapelle. Voilà. Donc, c'est lui qu'on va pouvoir avoir tout à l'heure ? Merci. Allez, génial. Merci beaucoup, mademoiselle. Je vous souhaite une bonne journée. J'attends, je vous donne un numéro. Ne raccrochez pas. Je vous donne toutes nos coordonnées. Nous aurons Novasol donc un petit peu plus tard, peut-être avant 11h, mais je n'y crois pas trop. Sinon, c'est demain matin, Philippe, que vous êtes sur l'antenne d'RTL. D'accord ? Ok, super. Merci beaucoup, Philippe. Merci La beaucoup, farandole Julien. Des cas, bien sûr, arrive juste après avoir écouté. Alors, qu'est-ce qu'on s'est fait ? On s'est fait du Marvin Gaye. Maintenant, voici un titre que j'adore, moi, de Christophe Willems. C'est celui qui l'a mené au plus haut, d'ailleurs. Le titre que lui avait écrit Zazie, c'était bien sûr Le Double Jeu. Et nous reviendrons sur des cas qui bloquent. Sur le cas de Isabelle et son fils Jonathan, qui a contracté un prêt et qui voulait partir aux États-Unis. Christopher Baldelli, président du directoire d'RTL, nous explique maintenant ce qu'il souhaitait faire quand il était jeune. Quand je serai Bee Gees, ou bien pilote de Formule 1, en attendant je me déguise, c'est vrai que tous les costumes me vont bien, le rouge, le noir, le blues, l'espoir noir, de toutes les couleurs j'aime voir. C'est comme ça, qu'est-ce que je peux faire? C'est comme ça. savoir ce que tu veux maintenant. Oui. Voilà, parce que... C'est Christophe Willem, c'est Double Jeu, c'est sur RTL. Dans une seconde, nous revenons sur le cas d'Isabelle. Écoutez ce qu'Isabelle nous avait dit sur l'antenne d'RTL quand elle était passée le lundi 17 octobre. Je vous appelle de l'Ain. Mon fils a payé 14 575 euros. Il a même dû prendre un crédit pour un séjour linguistique. Dans sa famille d'accueil, il dort sur un sommier sans matelas. Personne ne s'occupe de ses repas. Rien de ce qui est écrit sur le contrat n'est respecté. Nous avions appelé l'organisme. Nous avions un responsable qui nous a dit « Je m'en occupe immédiatement et je compte sur vous pour dire sur l'antenne d'RTL si mon intervention a été suivie d'effet ou pas. Et bien dans quelques instants sur l'antenne d'RTL, ce monsieur sera sur l'antenne et nous dira ce qu'il a fait pour cet étudiant et je pense que la mère confirmera et si vous voulez le savoir, et bien on se retrouve juste dans quelques secondes sur l'antenne de la radio numéro 1. Vous écoutez le 9h30 11h en vous souhaitant de bonnes vacances si c'est le cas. À partir de 50 ans, les problèmes de prostate touchent plus d'un homme sur deux, ce qui peut engendrer une baisse de leur qualité de vie. Pourtant, il existe des solutions. Parlons-en avec le docteur Mimoun. Pierre, vous avez 52 ans et vous souffrez de troubles urinaires. Quelles sont les conséquences dans votre quotidien ? Je suis obligé de me lever plusieurs fois dans la nuit et le manque de sommeil se fait sentir au fil de la journée. Les troubles urinaires masculins ne sont pas une fatalité. Pour empêcher les envies nocturnes, commencez par limiter les boissons après 19h. Si ces conseils ne suffisent pas, sachez qu'il existe des solutions. Prostamol est un complément alimentaire à base d'extraits naturels de sérénoir et pince qui contribue au maintien d'une fonction urinaire normale chez l'homme de plus de 45 ans. Prostamol, c'est une capsule par jour à prendre idéalement pendant 3 mois. Demandez conseil à votre pharmacien. Pour votre santé, mangez au moins 5 fruits et légumes par jour. Passez une bonne journée sur RTL. Conforama, le confort pour tous. Quand on déstocke une grande sélection de produits jusqu'à moins 50%, on pense à quoi ? Moins 50% ? Oui, on pense surtout à vous qui allez profiter de toutes ces bonnes affaires. Conforama, jusqu'au 12 novembre, conditions en magasin et sur conforama.fr. Pourquoi tu allumes une bougie, papy ? Une première bougie va s'éteindre, mais avec elle, une autre bougie va s'allumer. Quand la deuxième bougie s'éteindra, une troisième scintillera encore. Et ainsi, la lumière ne s'éteindra jamais. Comme l'Église, qui n'a jamais cessé de briller. Pour que jamais nos valeurs ne s'éteignent, je crois en l'Église. Je lègue à l'Église. Rendez-vous sur jecroisjelegue.catholique.fr ou appelez dès maintenant le 01 76 23 10 10. 01 76 23 10 10. Auchan, et la vie change. Et pendant les 125 jours Auchan, ce sont les selfies de Julie qui changent. Avec 200 euros de réduction sur la gamme de smartphones Galaxy S. 200 euros de réduction Julie. Et ben voilà, on a trouvé comment te faire sourire sur les photos. Vos hypermarchés Auchan et Auchan.fr proposent 200 euros de réduction sur les Samsung Galaxy S. Et votre mobile change. Auchan. Offre valable jusqu'à jeudi sur les Samsung Galaxy S7, S7 Edge, S8, S8 Plus, S9 et S9 Plus. Offre cumulable avec les offres de remboursement Samsung en cours, voire conditions en magasin et sur Auchan.fr, kit main libre recommandé. Laurent Ruquier revient au théâtre avec une nouvelle comédie. Et cette fois, il nous parle de la famille. Tout allait bien dans la vie de Camille, jusqu'à ce que ses parents découvrent par hasard son homosexualité. Comment Claudine et Maxime vont-ils réagir ? Des retournements de situation, des répliques qui font mouche, des personnages attachants, une pièce qui nous rassemble et nous fait rire. Pourvu qu'ils soient heureux, la comédie de la rentrée, actuellement au Théâtre Antoine. Un spectacle RTL. Vache à lait ? Mouton ? Pigeon ? Comment faire pour ne plus être les dindons de la farce ? Que choisir ? Fait peau neuve pour mieux vous conseiller. Auto. Plein phare sur le coût global de 9 véhicules. Achat, usage, entretien et fiscalité. Qui gagne entre le thermique et l'électrique ? Que choisir nouvelle formule ? C'est plus d'engagement, plus de terrain, plus de tests, plus d'alertes et toujours indépendant. Que choisir nouvelle formule ? En vente chez votre marchand de journaux. Vous écoutez le 9h30-11h sur RTL. Isabelle est-elle en ligne avec nous ? Isabelle, bonjour. Oui, bonjour Julien, bonjour toute l'équipe. Nous nous aviez appelé le lundi 17 octobre, vous nous aviez dit, voilà, mon fils Jonathan est en séjour linguistique, ça se passe pas bien dans la famille où il est. Nous avions immédiatement alerté l'organisme et M. Pellegrin nous avait dit, je m'en occupe. M. Pellegrin, vous êtes en ligne avec nous ? Je suis en ligne, M. Courbet, bonjour. Bonjour M. Pellegrin, merci d'être là. M. Pellegrin, alors qu'avez-vous fait pour cet étudiant immédiatement ? Alors, Monsieur Courbet, déjà, merci de me recontacter, d'avoir tenu votre engagement pour qu'on puisse faire un rapide retour sur ce qu'on a pu mettre en place pour Jonathan. Alors, il faut savoir que moi, je suis à San Diego. Du coup, j'ai tenu à me déplacer principalement pour rassurer et accompagner Jonathan au maximum dans toutes les démarches que nous allions pouvoir mettre en place ici à l'école pour lui. Alors là, je suis avec lui, parce qu'il est un petit peu tard pour nous, parce que aux États-Unis, il est 1h30 passée du matin. Mais on a voulu être présents, lui et moi, pour répondre à toutes vos questions. Donc il est également dans la même pièce avec moi au haut-parleur, si vous souhaitez lui poser des questions. Oh bah écoutez, alors, là, on va juste lui demander, vous nous le dites vous-même, où est-il maintenant? Comment ça se passe? Oui. Alors, je vous explique ce qu'on a fait en détail. Alors, comme j'ai pu vous le garantir, M. Courbet, à l'antenne la semaine dernière, on a immédiatement placé Jonathan au sein de notre campus UF. Moi, je suis arrivé dans la partie sur le campus pour l'aider et le rencontrer avec l'ensemble des démarches qu'on a pu mettre en place pour lui. Je vous l'avais indiqué aussi la semaine dernière, mais on avait... déjà l'urgence de la situation de Jonathan et on avait déjà en parallèle trouvé une famille d'accueil pour lui. Alors en revanche, ce que moi j'ai pu faire ici à San Diego, c'est qu'on a visité ensemble la famille d'accueil avant son aménagement pour être sûr qu'elle corresponde aussi bien à ses attentes et à nos critères de qualité chez EF. Monsieur Pellegrin, vraiment, comme on est en fin d'émission, EF a fait tout ce qu'il fallait. Si votre message c'est de dire on est des gens sérieux, je le dis honnêtement, vous êtes des gens sérieux, on vous a appelé, vous avez tout de suite mis en place tous les process pour qu'il soit heureux. Simplement, aujourd'hui, Isabelle, où se trouve votre fils ? Donc là, actuellement, il est au campus, donc en attendant que la famille d'accueil soit disponible. Donc effectivement, Jonathan est allé visiter cette famille d'accueil. Donc en retour, il a l'air ravi. Donc j'espère que là, maintenant, ce sera la bonne et que tout se passe pour le mieux. Donc je remercie en tous les cas M. Pellegrin d'avoir fait le nécessaire et puis toute votre équipe également. Merci à lui. Donc M. Pellegrin, voilà, il peut y avoir, vous ne pouvez pas peut-être tout contrôler, mais tout de suite, vous pouvez rectifier quand ça se passe mal. On est d'accord là-dessus, M. Pellegrin ? Exactement, et on est en permanence en train de contrôler nos étudiants pour avoir des ajustements constants et quotidiens dans nos prestations. Allez. Pour toujours proposer le plus de qualité dans nos séjours EF. Merci encore, Monsieur Courbet. Je vous en prie. Bravo EF. Merci beaucoup, monsieur. Bravo à vous et bonne chance à Jonathan. Tiens, passez-le-moi une seconde quand même qu'on lui dise un petit mot. Le pauvre, on l'a fait veiller jusqu'à 1h30. Je vous passe, ne coupez pas, monsieur Courbet. Ah bah, je ne coupe pas, moi. Vous savez, je ne suis pas à me couper. Alors, bah, Jonathan ? Oui. Vous m'entendez ? Bon, tout va bien, Jonathan, heureux ? Oui, heureux. Eh ben super. Allez vous coucher, Jonathan. J'étais déjà un œil déjà fermé. Merci EF, merci Jonathan, merci Isabelle, à bientôt. Merci, au revoir. Allez, bonne journée. Merci, monsieur Courbet, à très vite. Je vous en prie. En plus, Isabelle a eu grâce à nous des nouvelles de son fils, très courtes comme nouvelles, mais elle a pu en avoir. Voici le point info sur tout ce qui s'est passé à 10h56 dans l'émission. Le point sur tous les cas, c'est la Minute Info. Déjà, pour commencer, on en est à 12 736 euros sur la cagnotte. Litchi offrait un chien guide à un non-voyant avec RTL. C'est plus qu'offrait un chien guide. C'est mettons en avant les chiens et notre nouvelle mascotte, il s'appelle Napo, dont on voit des photos et sur la cagnotte Litchi et sur le Facebook, la page, ça peut vous arriver. Il faut aller jusqu'à 25 000, 3 euros, 4 euros, vous donnez ce que vous pouvez. 12 736, il en manque la moitié. Nous en sommes donc au cas de notre ami Vincent Plombier, chauffagiste. Eh bien, il attend toujours d'être payé de 9 100 euros depuis un an. Hervé, on aura du nouveau demain ? On aura du nouveau demain avec des pièces justificatives du plombier. Mais vous nous avez dit, Blanche Grandvilliers, que de toute façon, le problème reste quand même entre Vincent et celui qui lui a fait sous-traiter, qu'il ne peut pas être responsable des problèmes qu'a la maison mère avec le client. Exactement, puisqu'il se trouve que le travail a bien été fait par Vincent. Et rappelons aussi que le travail, c'est la santé. Le maire d'un village du Val d'Oise nous a appelé. Parce que le problème, c'est que chez lui et dans sa commune, il n'y a plus internet ni téléphone fixe depuis cette semaine. Où en est-on avec Orange ? Le service technique doit nous rappeler à midi pour nous dire pourquoi, alors que la date de rétablissement était prévue le 13 septembre, elle n'a toujours pas eu lieu. Attention Orange, il pourrait y avoir par la suite des préjudices parce que des commerçants sont en train de tirer la langue, il faut vite intervenir. Justement, le dossier a été pris très au sérieux par la direction générale d'Orange. Philippe est parti en vacances avec sa femme et ses trois enfants, il a réglé 2038 euros. Malheureusement, il n'est pas content de sa location, il s'en va et vous avez eu un appel de Bernard Sabat, Hervé Pouchol. Absolument, parce que Bernard connaît cet organisme Novasol et Bernard prend le relais actuellement. Demain vendredi, spécial, on revient sur tous les cas, donc vous aurez des nouveaux, du nouveau de tout ça. Intermarché vous propose d'écouter 2 plus 1 gratuit. Le meilleur, c'est les noirs. Hein. Puis les bleus. Repasse dans un juste pour vérifier. Tiens. Les bleus. Jusqu'au 4 novembre chez Intermarché, pour l'achat de 2 paquets de Megafed Dragibus Halloween Haribo, le troisième est offert. Intermarché, tous unis contre la vie chère. Le paquet de 960 grammes. Modalité et magasin participant sur intermarché.com. Pour votre santé, bougez plus.